CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens La France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, c'est l'heure de l'Aérospatiale, votre magazine radio consacré entièrement aux arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 toujours et c'est Jean-Tiens La France au micro avec vous pour la prochaine heure. On a un beau programme cette semaine. D'abord, il y a Claire Dumoulin qui est allée rencontrer Anna Mikia Comas qui est en résidence à la Chambre Blanche. Claire est déjà en studio avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir Jean-Tiens. Donc, c'est une artiste d'origine espagnole, mais c'est rare qu'on parle de ce qui se passe à la Chambre Blanche. Je suis très, très contente que tu l'aies proposé en chronique cette semaine. Et ensuite, on va recevoir, comme je le disais tout à l'heure, Olivier Bérard-Vidal en entrevue. On va parler un peu du Salon Nouveau Genre qui court, pas en ce moment, mais on est entre les deux fins de semaine, qui court sur deux fins de semaine cette année. Il y a quelques nouveautés. Ça va être l'occasion aussi de revenir un peu sur les 10 ans que célèbre cette année ce bel événement. Et en deuxième moitié d'émission, deux étudiantes de l'Université Laval. D'abord, une entrevue avec Héloïse Foulon, qui va nous parler de son exposition « Ventilateur sur forme ». Donc, une exposition qu'elle a organisée elle-même en dehors des structures de l'université pour montrer un peu son travail en cours qu'elle mène à la maîtrise. Et ensuite, je vais recevoir en entrevue également Élie Dubois-Sénécal au sujet de son exposition « Les autres » qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Mais pour l'instant, on va aller écouter un extrait de la proposition musicale de Simon Roy cette semaine. Donc, Simon Roy nous propose une compilation. Donc, pour ce premier extrait, ça va être la pièce « Puzzler » de « Aspect ». De ma cuisine, sur la mélamine, de ma cuisine, du vin d'épicerie, pour griser mon ennui. 9 piastres les litres, c'est ça le prix de ma fuite. Sa mélamine, de ma cuisine, j'entrevois mon cœur en ruine. Dans une cage de cartilage, entre la boucane et les nuages, de deux poumons fumant de rage, la vie nage dans mon œsophage. Pied dans la tranche, une matrachée, c'est boy, par une plaque de plomb forgée qui traverse ma gorge et m'empêche d'épancher toute parole orale. Je ravale, j'essaye de parler, mais la corolle, la fleur du mal se referme, je me renferme. Au fond de mon abysse thoracique, oh, je cherche ta taxi, mais je m'intoxique dans mon esprit. La taxi sévit et cède sans préavis. Saisis l'impatience, je dis la science infuse qui me dicte le fusée au fusain. Le dessin de demain serein, mais ma désobéissance a choisi l'erreur. danse, des lumières flashent où je danse, dans ma transe, en transe, je danse, je danse. Alors, il y a une petite erreur dans le choix musical. C'était une pièce de Lydia Kepitsky que vous venez d'entendre, la pièce sur la mélamine. Et j'ai en studio avec moi, comme je le disais tout à l'heure, Claire Dumoulin. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Jean-Diane. Donc, deux semaines de suite avec nous à l'aérospatiale. Cette fois-ci, tu es allée à la rencontre d'Anna Mitja Comas, qui est en résidence à la Chambre Blanche. C'est une artiste catalane. Oui, exactement. Elle est là pour explorer la notion de collage et la notion de d'art numérique parce qu'elle est une cinéaste d'abord. Et là, elle veut vraiment... C'est dans son processus créatif, elle explore donc des techniques numériques. On rappelle que la Chambre Blanche est vouée à l'expérimentation des arts visuels, des arts numériques. Oui. Et c'est principalement des résidences et ils ont des alliances internationales. Donc, c'est avec un centre d'art qui est à... Elle est de Gérone, en Catalogne. Oui. Et donc, t'es allée la rencontrer. T'as quelques extraits à nous faire entendre. Oui, elle se présente d'abord et puis elle parle de son concept de résidence, son objectif à la Chambre Blanche. My name is Anna Mitja Comas. I'm from Girona. Girona is a small town up to the north, 1 hour far away from Barcelona. And I work with film and video, mostly in like the dance field, with audiovisual dance, let's call it like this, and other kinds of videos. And at the same time, right now I'm working or developing my first feature film called Stones. And this is my occupation right now, to work with this and to find a production company. This is my first artistic residence abroad because I did once one in Girona, but in a high school. We co-create a documentary film with students. And what brought me here, maybe it was because of the curiosity to see how work like all these digital devices, like 3D printer and laser cut. And it was a mystery at the same time. And once I learned a little bit how function them, how work them, I discovered many things that I could never imagine. Donc, on voit un peu pourquoi elle proposait la Chambre Blanche. Exactement. C'était le mystère, un peu la curiosité pour ces nouvelles technologies-là. Et elle arrivait avec l'idée d'un long métrage qu'elle veut réaliser. Et le scénario est là. Mais là, elle travaille concrètement au montage d'une bande-annonce, d'un teaser. Elle va pouvoir en présenter un extrait dans la galerie. Et au fond, cette résidence-là lui a permis d'aller un peu au-delà, d'aller vers le film expérimental. Je la laisse parler du propos de son film. Je résumerai ensuite en français. It is a fiction, but thanks to actually this artistic residence, I had the chance as well to develop an experimental part that maybe at some point I will put inside the teaser edition. I'll see. So it is a work in progress, in fact. Right now, though, I have a fiction edition, and the film is about that relationship between women, among women, spiritual relationship. Once we start hesitating about our careers, professional careers, from an 18-year-old girl who finished high school, and she's convinced she will do physiotherapy degree, but behind she has a creative pulsion that will develop thanks to meet these different and older women in the art field who will acknowledge their talent. And yeah, it is about like among women and the way we see other women as mirrors to us. Or yes, the first steps in the primary matureness life. Yes. Alors, le film raconte la recherche existentielle, la quête d'une jeune femme de 18 ans qui croit vouloir devenir physiothérapeute. Elle s'interroge, elle doute un peu de son choix et en cours de route, elle va faire la connaissance de femmes inspirantes qui reconnaissent son talent artistique. Elle va s'initier donc à un atelier non professionnel de collage et le film traite de ses relations spirituelles entre les femmes qu'elle croise, puis son cheminement un peu vers l'âge adulte. En quelque sorte, il y a le collage des rencontre, il y a le collage comme pratique artistique et comme médium d'expression, puisque c'est ça qu'elle explore. L'exposition qui va débuter demain à la galerie, c'est Exhibiting Cinema Collage. Donc, c'est vraiment réfléchir le cinéma et un peu vers les méthodes traditionnelles de photographie assez anciennes aussi. Elle assume vraiment ce côté work in progress. Mm-hmm. L'artiste Anna Mija commence, elle a fait des co-créations avec des jeunes dans un lycée, une école secondaire, disons. Et puis, elle compte faire relire son script à d'autres auteurs, d'autres. Donc, c'est vraiment. C'est dans la collaboration, c'est vraiment. On est dans le processus. C'est ça qui est intéressant aussi avec les découvertes de résidence à la Chambre Blanche. Définitivement. Jeudi, au fond, qu'est-ce que les visiteurs pourront voir, parce que des fois, un processus est plutôt intangible, hein, ça se passe dans la tête. Oui. Mais vraiment, en galerie, il va y avoir ces explorations qu'elle a fait à la Chambre Blanche. Donc, une projection grand format pour vraiment vivre la projection, l'image en mouvement, mais à l'échelle du corps. Il va y avoir un collage de couches d'acrylique gravées, qui ça fait une illusion 3D. Je ne sais pas si les auditeurs, les auditrices peuvent visualiser. Il faut aller voir demain, je pense. Il faut aller voir, avec une projection rétroéclairée. Il va y avoir une projection, elle appelle ça « Expanded Cinema », donc une projection sur un buste 3D. Un jeu avec les ombres aussi, un jeu avec les motifs, parce que dans le collage qu'il y a dans le film, il y a beaucoup les motifs de textiles de mode féminine de différentes époques. Et voilà. Donc, on est vraiment dans l'exploration du médium cinématographique de différentes manières. Oui, vraiment de plein de manières différentes. Et je la laisse terminer, Anna Mija Comas, son expérience de résidence, l'exprimer, là, bien la résumer. Oui. It was my first feature film and at the same time my first experience with experimental cinema. But once I discovered tactile cinema, I said, wow, this is like a wall of much more possibilities to express collage itself. And if in my film appears collage, it's an interesting way to combine like this dramaturgic way of telling stories and this experimental thing. It's about more plasticity and tangible things. And I thought it was interesting to include it at least in this developing process. Donc, on est dans le collage, mais le collage également dans le scénario, le collage de manière littérale. Donc, il y a vraiment une exploration très pluridimensionnelle. Oui, exactement. Le collage comme expérience de la vie aussi, elle disait. C'est ce que je trouve intéressant des résidences d'artistes, là, c'est d'approfondir une facette de sa pratique artistique et vraiment d'y aller là, de façon expansive, sans l'obligation de livrer une exposition vraiment structurée et extrêmement cohérente tout de suite, rapidement. Donc, on se donne le temps, on se donne l'espace. Oui, puis c'est une manière de rentrer un peu dans la tête de l'artiste, dans l'atelier de l'artiste, puis de découvrir le processus. Mais merci beaucoup, beaucoup, Claire Dumoulin, pour cette très belle rencontre que tu nous livres avec Anna Mija Comas, qui va présenter son travail en cours à la Chambre Blanche demain à partir de 17h. Oui, c'est un 5 à 7. Et puis, on espère qu'elle pourra revenir à Québec présenter son long-métrage dans quelques années dans un festival de films. Ah oui, ça serait très agréable. Nous, on va prendre une courte pause audio avec, cette fois-ci, un extrait de Aspect. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'ai avec moi en studio Olivier Bérard-Vidal et Marie Gilbert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai invité pour parler du Salon Nouveau Genre. Je disais tout à l'heure qu'il y a cours en ce moment, mais c'est pas vrai. On est entre deux fins de semaine parce que cette année, c'est sur deux fins de semaine que ça se passe et pas une au mois de mai, une au mois de décembre comme il y a déjà, ouais. Ça a déjà été l'occasion dans le passé. C'est deux fins de semaine de suite et c'est le 10e anniversaire du Salon Nouveau Genre. C'est extraordinaire hein, de penser à ça quand même. Le temps passe vite. Spécial. Oui. Olivier, j'avais le goût de te demander pourquoi le premier Salon Nouveau Genre en 2008, qu'est-ce qui t'avait poussé à organiser cet événement-là? Ben, c'est peut-être Marie qui va répondre. Oui, ok, parfait. Donc Marie, pourquoi? Ben, oui. Ben, Olivier, c'est vraiment une idée d'Olivier. Oui, hein. Moi, je l'ai assisté, puis je l'ai accompagné dans tout ça, puis on a construit ça ensemble au fil des ans. Mais au tout début, c'était Olivier qui est arrivé avec cette idée-là. Je pense qu'on était deux créateurs de fanzines à l'époque et on avait le désir d'être indépendants. Tous ceux qui connaissent Olivier connaissent son fort désir d'être indépendant dans la vie. Donc, ça vient aussi de là, du désir de diffuser son travail de façon complètement indépendante en dehors des grosses structures, tu sais, les salons d'artisans, c'est quand même des grosses structures où ça prend un bon budget pour participer. Oui. Beaucoup de préparation, avoir un kiosque pour remplir un espace. Oui, puis une bonne production aussi. Oui. Mm-hmm. Donc là, avec l'idée d'Olivier, au tout début, le premier Salon Nouveau Genre, c'était vraiment d'offrir la chance, comme un espace à la relève de Québec. Oui. Donc, dont nous-mêmes, pour présenter ces créations au public, rencontrer le public. Oui, bien, la rencontre du public, c'est quelque chose qui est quand même central aussi dans cet événement-là, qui est le Salon Nouveau Genre. C'est une occasion de voir les créateurs, les créatrices, de les rencontrer, de leur parler, de leur poser des questions. Et c'est un salon aussi qui va couvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que des salons de métiers d'art traditionnels, dont tu en as parlé, Marie-Gilbert, au début, dont la micro-édition. Oui. C'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'ADN du Salon Nouveau Genre, le média imprimé, la BD, la micro-édition, les auteurs. Bien, étant nous-mêmes des créateurs de fanzines en 2008, là, comme quand on revient il y a 10 ans, bien, c'est certain qu'on a fait une place là, pour les créateurs de fanzines, de bandes dessinées, n'importe quel petit objet imprimé de façon indépendante, là, c'est certain. Oui, parce... C'est plus courant aujourd'hui dans les boutiques de créateurs qu'il y ait des cartes, des impressions comme d'illustrations ou des petits livres, mais ce n'était pas le cas nécessairement là, il y a 7, 8, 10 ans. Fait que c'est vrai qu'on a donné une place à ça, puis ça a encore sa place dans le sens où c'est plus courant maintenant, mais les illustrateurs, auteurs à leur compte ou, créateurs de fanzines n'ont pas nécessairement beaucoup d'occasions de présenter leurs trucs parce que c'est pas vraiment des métiers d'art. Des fois, c'est pas vraiment des arts visuels. Oui, puis on les verra pas au Salon du livre, par exemple. C'est ça, ils seront pas vraiment là parce que c'est pour les plus grosses maisons d'édition. Mm-hmm. Fait que ben, le Salon Nouveau Genre, c'est une occasion pour ça. Puis rendons aussi... faisons hommage aussi à la source de tout ça, c'est aussi le rendez-vous des publications parallèles, il me semble. Ouais. C'était une autre sorte de salon qui avait lieu avant le Salon Nouveau Genre. Mm-hmm. Puis nous, on a participé à ça, on a vraiment... Ça a été inspirant. Oui, c'est ça, vraiment. Mm-hmm. On a eu la piqûre. Oui, et d'élargir, et puis c'est aussi un lieu de rencontre entre ces créateurs-là, à quelque part. Ben, donc... C'est une chose sur laquelle on insiste, là, c'est que ça fait partie de nos critères. Les créateurs sont présents eux-mêmes sur place, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas dans tous les autres salons où souvent c'est des vendeurs ou c'est des employés dans le fond. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une chose que le public, une chose à laquelle le public a accès en venant au Salon Nouveau Genre, c'est les artistes et les artisans eux-mêmes sont présents, parlent de leur travail, peuvent expliquer les choix qu'ils font, leurs décisions, pourquoi ils font certaines choses d'une certaine façon. Puis c'est une chose qui fait l'unicité du salon, puis qui fait une idée de l'ambiance aussi, dans le fond, mm-hmm. du salon, là, les rencontres entre les créateurs, entre autres. Et puis, donc, tu parles des choix qui guident la sélection. C'est un des choix, que ce soit les créateurs, les créatrices qui soient présents eux-mêmes aux tables. Et puis, ça fonctionne avec un appel de dossier, le Salon Nouveau Genre. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup maintenant, après 10 ans, j'imagine que vous avez beaucoup de dossiers qui se retrouvent dans un choix qui doit être quand même assez difficile à faire. C'est quoi les grandes lignes qui guident ces choix-là? Bien, cette année, c'est une année record pour le nombre de dossiers qu'on a reçus, c'est-à-dire plus de 350. 50. Oh mon Dieu. Comment les choix sont faits? Ben, en fait, on essaie de faire une variété de disciplines. C'est mode, ça, la variété. Art visuel, mm-hmm. Micro-édition, céramique, joaillerie, ébénisterie, etc. Design d'objets, design de papeterie. Il y a cette variété-là. Il y a une place privilégiée aux plus jeunes créateurs et une place privilégiée aux créateurs de la région de Québec. Ouais. Maintenant, avec les années, on reçoit de plus en plus de dossiers de créateurs de l'extérieur de la ville de Québec. Je pense le bouche à oreille. Tu sais, il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de créateurs de Montréal, de Sherbrooke, de la Gaspésie, de Saint-Jean-Port-Joli, mettons. Mm-hmm. Il y en a de plus en plus. Je pense que les gens en parlent autour d'eux puis disent « Hey, ça vaut la peine de se déplacer à Québec. C'est un bel événement pour l'ambiance, pour... » On reçoit souvent des compliments sur la qualité de l'organisation. On est bien flattés quand ça arrive. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui fait que les gens font compte, ah, OK, je vais me déplacer, ça vaut la peine. Tu sais, c'est pas... Puis la réputation, dans le fond. Oui, après 10 ans, la réputation grandit et c'est mérité parce que c'est toujours un très bel événement où on fait des belles découvertes, des belles rencontres. Et cette année, il y a quelques nouveautés, j'aimerais s'en parler. D'abord, il y a l'alimentaire qui est entré. Qu'est-ce qui a guidé ce choix-là d'offrir également des créations alimentaires? Est-ce que c'est une offre de la part des artisans, une demande de la part des consommateurs? Dans les 2-3 dernières années, on a commencé à recevoir des dossiers ou des, mm-hmm. disons, des courriels. Hey, est-ce que c'est possible de participer avec tel genre de production comme des chocolats ou des, mm-hmm. des champignons, des choses comme ça? Jusqu'à récemment, on se disait, ben non, c'est vraiment tout le reste, toutes les autres créations, sauf les créations artisanales alimentaires. Là, pour le 10e anniversaire, la décision de faire sur 2 fins de semaine pour donner accès à plus de créateurs de participer, on a dit, bon, ben, on a plus de place. Dans le fond, on peut se permettre de garder, disons, une quinzaine de places pour des producteurs alimentaires. Les deux raisons, c'est ça. Puis, c'est aussi, on a, depuis l'édition de l'année dernière, du 9e anniversaire, on a dit, ah, là, le 10e anniversaire, qu'est-ce qu'on fait avec le 10e anniversaire? On a, je sais pas... On avait une tonne d'idées. Dix, douze idées différentes. On en a choisi quelques-unes. Chaque idée était très lourde. Oui, comme faire 2 fins de semaine, comme avoir des créateurs alimentaires, puis avoir une section jeune relève pour les 10 à 17 ans. Oui, donc parlons de la section jeune relève. Vous avez fait... vous avez ouvert un autre appel de dossier, ouais, qui était parallèle pour la jeune relève. D'où est-ce que ça vient, cette idée d'aller chercher les jeunes de 10-17 ans? Mais c'est aussi une manière d'encourager la création, la créativité, même l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc, c'est de la relève. Dans le fond, on travaille pour le milieu en même temps. Et d'assurer la pérennité du Salon Nouveau Genre pour encore 10 ans? On peut dire ça aussi, mais on travaille aussi pour le milieu des créateurs de Québec et du Québec en disant, ben allez-y, on vous fait une place cette année. Venez essayer de promouvoir vos produits, de préparer même une production. C'est déjà un gros exercice, oui, en soi. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, ben nous, on est vieillissants, ça fait 10 ans. Donc, allons-y, on va aller même chercher des plus jeunes pour essayer, expérimenter tout ça. C'était un peu un test, là. Dans le fond, quand on a envoyé l'appel de dossier, on a dit, bon, on va l'envoyer dans quelques écoles, on va l'envoyer dans les réseaux sociaux auprès de nos créateurs qui ont peut-être des enfants qui font aussi des créations. Oui. Puis on a reçu, je pense, une quinzaine de dossiers jeunes relèves. On les a acceptés, les 15, dans le fond. On a dit, ben c'est votre chance. S'il y en avait beaucoup plus, on aurait peut-être fait une sélection. Mais là, on a dit, ben la chance à tout le monde, c'est bien. Puis, ils sont répartis sur les 2 fins de semaine, cette quinzaine de jeunes créateurs-là, jeunes créateurs. Puis, c'est très varié. Là, il y a des groupes, de la Maison Jaune qui font des objets en sérigraphie. Oui, bien sûr. Des jeunes qui font des bijoux, quelqu'un qui fait des stylos tournés. Puis j'en oublie, ouais, du tissage, plus des œuvres d'art. Fait que ça a été bien apprécié la première fin de semaine. Et j'ai eu plusieurs vraiment commentaires vraiment positifs de « Hey, merci d'avoir donné la chance à ma fille de faire quelque chose comme, oui, ça. On a écoulé tout ce qu'on avait. » Tu sais, vraiment très, très, très positif. Fait que... Donc, à reconduire l'année prochaine. On verra bien, mais a priori, c'est vraiment un succès, ouais. Mais une belle initiative, en tout cas. Ben, nous, on peut pas continuer l'entrevue parce que la pause publicitaire s'en vient. Mais on va inviter tout le monde à aller au Salon Nouveau Genre qui retourne à l'Église Saint-Fidèle cette année. Donc, c'était à l'Église Saint-Fidèle l'année passée? Oui. OK, non, OK, je me trompe. Donc, qui est encore à l'Église Saint-Fidèle cette année. C'est de 17 à 17 heures toute la fin de semaine. Donc, le 8 et le 9 décembre. Merci beaucoup, Marie-Gilbert. Ah, oh, ça me fait plaisir. L'entrée est gratuite. Merci. Et merci beaucoup, Olivier Bérard-Vidal, de t'être déplacé dans cet état. Merci beaucoup. Nous, on part à la pause publicitaire. CKRL. Eh bien, je ne dois plus vous en faire un mystère. Oh, chère femme, si nous voulons forcer les hommes à faire la paix, il faut nous abstenir. De quoi ? Dis. Le ferez-vous ? Nous le ferons. Dussions-nous mourir ? Il faut donc nous abstenir des hommes. Lysistrata, d'après Aristophane, adapté très librement par Jean-Sébastien Ouellette et Isabelle Hubert, du 9 au 15 décembre au Théâtre du Conservatoire. Réservation au 418-643-9833. Des sourires peuvent se dessiner sur les visages de nos aînés en CHSLD grâce au concert de la SAMS, la Société pour les Arts en Milieu de Santé. Soyez des nôtres pour un concert de Noël avec le Quintet Philanthros le mercredi 5 décembre à 18h à la cathédrale Holy Trinity. Offrez ainsi de la musique dans les institutions de santé à Québec par des musiciens professionnels. Information samsanté.org ou la page Facebook de la SAMS. La Corrigan se met en mode impro tous les dimanches soirs. Assistez au match de la 19e saison de la GIF en bonne compagnie. Venez rire aux éclats, huer l'impitoyable arbitre, voter pour vos équipes favorites et déguster une succulente bière de microbrasserie. L'École Bleue, les Esties, l'Armée Rouge et le Géant ont 1000 histoires à vous raconter. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à La Corrigan. Ici mon oncle Serge pour vous dire qu'encore cette année, je vais être fidèle à mon habitude de présenter des shows dans le temps des fêtes. Je vais même être à Québec deux fois cette année. Ça va être au bar Lanty, mercredi le 26 et samedi le 29 décembre. Je vais être en formule trio rock comme Rush, mais ayez pas peur, il n'y aura pas de solo de drum. Fait que c'est ça, mon oncle Serge à Lanty les 26 et 29 décembre. Billets chez Exo, lepointdevente.com. Tous les détails sur Internet. Rock on! Ici Jason Duval, animateur de Souvenirs Franco à CKRL. Mélanie Fleurant, animatrice de l'émission Les Différents. Jessica Lev, directrice de la programmation à CKRL. On est trois de la dizaine des bénévoles qui seront sur la 3e avenue, coin 4e rue, lors de la Guignolée des médias ce jeudi 6 décembre entre 7h et 9h. CKRL, Télé-Québec, le Carrefour de Québec et Mont-Saint-Roch s'unissent pour la Guignolée des médias. Notre mandat? Récolter les dons en argent et denrées non périssables pour aider les familles dans le besoin. Et parce que chaque don compte, on a besoin de vous. La Guignolée des médias, c'est ce jeudi 6 décembre entre 7h et 9h. Soyez généreux! Premier acte, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et le Théâtre Bistory, présente le retour de la comédie « Conversation avec mon pénis ». Marie-Lie Picknell et Marc-André Thibault forment un duo éclatant et livrent une performance solide, drôle et parfois touchante. Le spectacle acclamé remplit les salles partout au Québec et fait un nouvel arrêt au Théâtre Premier Acte pour 6 représentations seulement, du 27 novembre au 6 décembre. Pour information ou achat de billets, premieracte.ca. Donc, de retour à l'aérospatiale, Gentiane La France avec vous toujours et j'ai en studio avec moi Héloïse Foulon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Héloïse, tu étudies actuellement à la maîtrise à l'Université Laval en arts visuels et tu sors de des ateliers du roulement à billes qui sont comme le lieu névralgique des étudiants à la maîtrise pour aller exposer ton travail hors les murs. C'est une exposition qui s'appelle « Ventilateur sur forme ». Oui. Un titre qui est assez intriguant. J'avais envie de te demander d'abord d'où te vient ce titre-là, Ventilateur sur forme. Qu'est-ce qu'il cache? En fait, Ventilateur sur forme, c'est le titre d'une vidéo que j'avais faite en avril et qui est assez. En fait, c'est deux mots pour parler de deux notions qui sont vraiment importantes dans mon travail, qui sont le. Je travaille comme dans deux domaines qui seraient l'espace concret, le monde factuel, puis le monde des idées, donc l'espace abstrait. Puis donc le ventilateur, ça fait référence au concret. Puis la forme, ça fait référence justement à la traduction qu'on peut faire, que je fais des objets et de toutes les idées qu'on peut avoir des choses qui nous entourent. Et oui, mais on sent beaucoup ça dans ton travail. C'est un travail qui est très abstrait, qui s'attarde à la matérialité, aux structures, mais il y a quelque chose aussi du domestique puis du quotidien qui est très présent. Oui, vraiment. En fait, il y a une notion importante qui me suit depuis peut-être 3 ans, qui est la notion de l'espace. Et au début, justement, l'espace domestique, ça se passait plus dans l'utilisation de textiles comme des rideaux, des nappes, etc. Mais là, je réfléchis plus à une idée générale qu'on pourrait avoir de l'espace, ou plutôt du lieu, qui serait 4 murs, un sol, un plafond. Et j'essaie de réfléchir sur comment on peut un peu moduler cette idée-là qui est comme factuelle en dessin, puis aussi en fabriquant des objets. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est des œuvres qui sont accrochées au mur principalement, mais il y a quelque chose de l'assemblage, de l'installatif, il y a une déconstruction de l'espace dans ton travail. Oui, tout à fait. En fait, j'aime bien un peu l'idée de collection parce que j'ai tendance à produire plusieurs choses, mais individuellement, elles n'ont pas toujours leur singularité. Puis c'est en fait en étant assemblées dans l'espace, elles rentrent en dialogue pour parler de quelque chose qui serait plus global. Mais quand on regarde chaque dessin ou chaque objet, il y a quelque chose qui est dit à chaque fois de différent. Mais il y a une complémentarité, puis il y a un accrochage, une mise en espace qui est très, très soignée. Il y a des œuvres qui sont plus près du sol, il y a des œuvres qui se retrouvent à la hauteur des yeux. Quelle est ton intention derrière cette mise en espace? Oui, c'est à mon avis pour jouer avec le lieu vraiment, comme je disais, cette idée qu'on a des murs, de où est-ce que nous, dans notre propre corps, on se situe. Puis je fais appel à ça en installant des choses plus bas, justement, comme tu disais, à presque bas du sol, ou même poser une toile sur le sol pour faire référence au lieu réel, mm-hmm. Tout à fait. Donc, il y a une espèce d'interaction entre les œuvres et le lieu, un peu dans le mode installation également. Il y a, j'en ai parlé en début d'entrevue, une exploration aussi autour de la matérialité, une matérialité qui est très, très proche de la peinture, de ses matériaux, de sa structure. Donc, on retrouve le canevas, le faux cadre. C'est une manière de déconstruire la peinture, en quelque sorte? Oui, en quelque sorte, à la base, j'ai plus une pratique en peinture, justement. Mm-hmm. Puis là, c'est pas ce qu'il y a en majorité dans l'exposition. Il y a plus des dessins. Puis c'est justement déconstruire la peinture, mais déconstruire aussi l'espace. Puis il y a une volonté de pas catégoriser, mais séparer un peu les choses, comme justement il y a des cadres, mais ces cadres qui sont là sans toile tendue dessus, ils évoquent justement l'idée de la peinture, mais là, ils sont présents en tant qu'objet et rien d'autre, mais évidemment que donc ça... Donc, on peut les interpréter de différentes manières, comme quand je suis allée visiter l'exposition aujourd'hui, je te parlais du fait que ça m'évoquait un mur en cours de rénovation ou un mur en cours de construction avec ses structures internes qui permettent de tenir. Donc, il y a d'autres éléments qui nous viennent en tête. Et quelque chose aussi qui est très récurrent, un motif qui est récurrent dans les œuvres que tu présentes, c'est la grille, le carrelage. Qu'est-ce qui se cache derrière ce motif-là? On dirait que tu traînes depuis un certain temps dans ta pratique. Oui, vraiment. Déjà, c'est un intérêt que j'ai vraiment pour l'architecture, puis le motif urbain, c'est un motif qu'on retrouve vraiment régulièrement. Et justement, cette grille-là, je l'utilise parce que c'est un motif, puis pour moi, le motif, ça fait référence à quelque chose qui se répète et donc qui n'est jamais fini et qui, dans l'idée, n'est pas cadré. Et là, quand on le met sur un support, il est cadré par la matérialité du papier, par exemple, ou de la toile. Mais il évoque justement cette idée de d'infini, finalement. Donc l'infini, c'est très beau ça. Donc l'infini dans ce carrelage, dans ce motif carotté, comme on dirait ici au Québec, tu l'utilises aussi dans une série de dessins où on retrouve des formes qui vont être plus organiques, qui se démarquent un peu des lignes plus géométriques qui sont utilisées dans le reste des œuvres de l'exposition. Est-ce que tu peux nous parler de cette série-là qui est un petit peu plus différente? Oui, à la base, je travaillais beaucoup avec ces formes-là organiques, des formes que j'appelais molles. Puis j'ai voulu me sortir de ça, justement. Puis cette exposition, c'est l'occasion de montrer un nouveau travail. C'est quand même différent de ce que je faisais avant. Puis ces formes-là organiques, elles étaient extraites du réel, si je peux dire, ou des objets. J'en prenais le contour. Donc des silhouettes. Tout à fait, des silhouettes. Mais merci beaucoup, Héloïse Foulon, merci pour cette belle entrevue. Donc, ton vernissage, c'est demain. Oui, à 17h. Et c'est au 17 rue de la Barricade, oui, au local 603. 306B, au troisième étage. 306B, donc on va pas au 603A, de toute façon il n'existe pas, donc c'est au 306B. Et avant de terminer, juste mentionner que c'est une initiative que tu as eue avec Olivier Hébert, qui est ton collègue à l'école, et que la semaine prochaine, c'est lui qui expose. Oui, ce sera le 14 donc décembre. Le 14, juste le mentionner avant notre petite pause audio, et au retour, je m'entretiens avec Élie Dubois-Sénécal. Alors, toujours à l'aérospatiale, j'ai avec moi en studio Élie Dubois, Sénécal. Bonsoir, Élie. Bonsoir. Donc, tu présentes l'exposition Les Autres à la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval. C'est une exposition qui rassemble des photographies et des textes. Exactement, oui. Tu t'étudies actuellement au baccalauréat en arts visuels à l'université. Et les photographies que tu présentes, ce sont des mises en scène. Exact, oui. Que tu fais avec différentes personnes, des fois il y a des personnes qui reviennent, des personnages, exact. On pourrait dire. J'ai le goût de commencer à parler un peu de la façon dont tu travailles tes mises en scène. Est-ce que, mettons, l'équilibre entre la direction et l'improvisation dans tes mises en scène, comment tu travailles, parce que c'est un travail de direction d'acteur, si on veut, de travailler la mise en scène en photographie. Oui, mais en fait, il y a quelques photographies dans mon exposition que c'est des performances, en fait. Donc, mm-hmm. c'est de la documentation de performances oui. qui deviennent des œuvres d'art. Parfois, je m'inclus dans ces performances-là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'improvisation quand je ne peux pas diriger un modèle avec ma voix. Donc, c'est vraiment, je dirais, les photographies où il y a de la performance, c'est presque seulement improvisé. Mm-hmm. Et puis, le reste, je fais beaucoup confiance à mes modèles. C'est des personnes qui sont proches de moi. Donc, je les laisse être à leur naturel, puis je les prends en photo dans ce cas-là. Donc tu dis ces personnes-là sont proches de toi. Je l'avais deviné parce qu'il y a un aspect intime, oui. Très, très, très, très fort dans ta pratique. Des personnages récurrents, évidemment. Pourquoi tu as choisi de travailler avec des amis, avec des personnages qui se recoupent comme ça? Est-ce que c'est dans une volonté de créer une espèce de communauté? Pas exactement. En fait, c'est que j'aime travailler avec des gens que je connais parce que... j'aime travailler avec des gens qui m'inspirent, que je sais qu'ils sont authentiques. Parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment important dans mon travail. Il y a quelque chose de très faux, de très mise en scène. Il y a quelque chose de... C'est quasiment un avertissement que c'est une mise en scène. Donc, j'aime ça, avoir quelqu'un qui est vraiment, à qui je peux faire confiance, qui est vraiment authentique pour vraiment venir jouer avec ça dans mon travail. Donc, tu parles d'authenticité et les personnes qu'on retrouve dans tes œuvres sont des personnes qu'on pourrait dire queer. Oui, oui, c'est très... Donc, on est vraiment dans une approche queer, une approche féministe queer très postmoderne. On est loin des normes de l'hétéronormativité. Exactement. Et le titre, c'est « Les autres ». Oui. Ce sont qui, les autres? Ce sont eux? Ce sont nous qui regardent? Donc, c'est quoi l'idée derrière ce titre-là, « Les autres » Ben, en fait, j'ai cette grande impression que dans la société dans laquelle on est, nous sommes extrêmement divisés. Mm-hmm. Puis on considère les personnes qui ne sont pas nous-mêmes comme un autre. Donc c'est une espèce de questionnement que j'avais envie de poser. Qui est l'autre? Est-ce que je suis un autre? Est-ce que tu es un autre? Qui sont les autres? Donc c'est vraiment un questionnement sur comment nous sommes divisés, comment nous percevons chacun d'entre nous, l'identité. Donc c'est un questionnement sur la différence. Oui, exactement. Oui, donc une différence qui est assumée, qui est positive aussi, quelque part. Oui, qui est célébrée, en fait, je pense. Donc, c'est une célébration de la différence au travers de costumes, de décors, avec une esthétique un peu brouillon, quand même. C'est oui. quelque chose qui est tout à fait assumé, parce que j'ai remarqué des photographies qui sont pixelisées. Oui, exact. Donc, puis là, on n'a pas encore abordé les textes, mais les textes sont écrits manuscrits. Oui. On voit les ratures. Exact. L'écriture descend un peu vers le bas, comme qu'on fait pas trop attention, puis qu'on n'essaye pas de suivre une ligne. Donc, il y a vraiment une recherche de l'esthétique de l'imperfection, à quelque part. Oui, exact. En fait, j'essaie de vraiment conserver la plus grande liberté possible dans mon travail. J'aime pas vraiment me mettre de structure préétablie. Mm-hmm. J'y vais vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de façon improvisée souvent. Puis j'aime pas me brimer avec des structures pas nécessaires à mon avis. Et si on parle de structure, je vais te poser une question un peu plus sur la structure de la façon dont tu travailles. Dans le jumelage des textes, des photographies, Oui. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Comment tu travailles ce jumelage-là? Est-ce que tu t'inspires des textes pour faire les photos ou inversement? En fait, c'est vraiment deux pratiques qui sont séparées mm-hmm. pendant que je les fais. J'écris vraiment chaque jour, je m'inspire de la vie de tous les jours. Je recueille j'ai un petit recueil de mes mots préférés, puis je les assemble. Vraiment, je fais des textes pas mal chaque jour. Puis les photographies, ça, c'est un peu moins récurrent. Donc, dans un contexte d'exposition, c'est sûr que là, j'ai essayé de construire des narrations avec mes textes et mes images, parce qu'il y a quelque chose de très narratif aussi dans mes images. Donc, c'est vraiment, j'essaie de choisir des choses qui allaient vraiment bien ensemble, qui voulaient dire ce que j'avais envie de dire, mais qui posaient aussi un questionnement vis-à-vis le texte et les images, vis-à-vis leur relation. Donc, c'est de raconter une histoire un peu, parce que les textes sont assez introspectifs. Oui. Donc, c'est de raconter un peu une histoire sans l'illustrer nécessairement, mais plus ouvrir le sens. Oui, en fait, c'est vraiment... j'ai envie... tu sais, c'est quelque chose de très intime. Les photos, les textes, l'intime est très présent dans mon travail. J'ai envie que les gens... Il y ait quand même un guide pour peut-être... pour lire mon image, lire mes textes, mais qu'il n'y ait pas une réponse claire et nette. Et ces performances photographiées, on peut les appeler comme ça, oui. que tu présentes, sont toujours présentées avec un fond qui peut paraître neutre, mais qui évoque le domestique, donc des rideaux, des drapés. Il y a quelque chose un peu qui fait référence à l'histoire de l'art là-dedans? Oui. Mais en fait, c'est surtout je m'inspire beaucoup du quotidien puis la performance qu'on fait dans le quotidien. Mm-hmm. C'est sûr que je viens chercher des fois des petits clins d'œil à l'histoire de l'art, mais c'est vraiment surtout, en fait, je m'en vais chez les gens que je photographie ou dans mm-hmm. mon propre appartement, puis à partir de ce que je trouve, je construis un décor. Donc, il y a vraiment une question d'être ouvert à l'improvisation, d'être ouvert à l'environnement, puis de créer à partir de ce qui se retrouve là, de oui. faire une installation, de faire une performance à partir des lieux en tant que tels. Oui, être vraiment consciente du milieu dans lequel je me trouve, puis essayer d'être imaginative pour trouver des choses qui vont m'inspirer là, sur le moment. J'aime ça, vraiment travailler sur le moment, sur l'inspiration. Mais merci beaucoup, Élie Dubois-Sénécal, de t'être joint à nous pour parler de ton exposition « Les autres ». C'est présenté à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval jusqu'à quand? Jusqu'au 22 décembre. Jusqu'au 22 décembre. Donc, on invite les auditeurs, les auditrices à aller voir ça. Et nous, on se quitte pour une petite pause audio et retour. Je vous parle de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine à Québec. Alors, c'était Woody Wagon de Valère. Et c'est le temps de parler de ce qui se passe dans le milieu des arts visuels cette semaine. Mais en fait, j'avais le goût de vous dire aussi que sur la page Facebook de l'aérospatiale, on rassemble les différents événements qui se passent dans le milieu des arts visuels à Québec. Donc, si vous êtes, si vous avez cherché un peu il y a également sur notre site web, mais vous pouvez aller directement sur la page Facebook de l'aérospatiale, cliquer dans la section événements et on essaie d'ajouter pas mal tout ce qui se passe. Si vous voulez également proposer un événement, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous proposer des événements. Mais déjà, cette semaine, on a une semaine bien remplie. Mais en fait, jeudi, vendredi, c'est très, très rempli. Demain, déjà, à l'École de design de l'Université Laval, il y a l'exposition « Volumique, objets au quotidien », donc qui est un encan et œuvre d'objets par l'École de design. C'est à partir de 16h30 à l'école, à la fabrique. Également, il va y avoir le lancement du livre « Pièces montées » de Jacinthe Carrier. Ça va être au Renard et la chouette dans Saint-Sauveur à 17h. C'est présenté par les éditions S. Et on en a parlé tout à l'heure, l'exposition Ventilateur sur forme va tenir son vernissage à partir de 17h, donc d'Héloïse Foulon. C'est au 17 de la Barricade, dans le vieux Québec. C'est collé sur le Musée de la Civilisation. C'est au 36B, donc il faut monter au 3e étage pour aller voir cette belle exposition. C'est également l'ouverture de résidence de Anna Mija-Comas, dont on a parlé avec Claire en tout début d'émission. En formule 5 à 7 à la Chambre Blanche. Donc, un choix difficile à faire demain. Beaucoup de belles choses qui se passent dans le milieu des arts. Et vendredi, c'est le vernissage de l'artiste Élie Dubois-Sénécal qui présente les autres au pavillon Alphonse Desjardins. On l'a reçu en entrevue il y a quelques minutes. Et il y a également le vernissage d'Audrey Demers-Reberge qui présente Bouzou à VUE, Centre de diffusion de production de la photographie. Donc, c'est une activité hors programmation. L'artiste présente son travail de maîtrise du 7 décembre au 14 décembre. Donc, c'est une exposition d'une semaine seulement à ne pas manquer pour découvrir l'univers assez singulier de cet artiste qui explore notre rapport avec la nature, avec l'environnement, avec une approche interdisciplinaire très, très intéressante. Il y a également l'exposition Faire honneur qui est présentée à Méduse par Folliculture. Donc, c'est une exposition où l'historienne de l'art Jeanne Couture et l'artiste José Landry Sirois ont invité les participants à aborder la création à partir de la thématique de la fierté. Donc, un très, très beau projet. Et c'est la dernière semaine pour aller voir l'exposition Espace publicitaire de Jean-Christophe Blanchet à Espace Parenthèse. Donc, je termine en remerciant nos invités, Olivier Bérard-Vidal, Marie Gilbert, Héloïse Foulon et Élie Dubois-Sénécal. Merci à Claire Dumoulin pour ta chronique. Et restez avec nous parce que de l'autre côté de la pause, c'est Pierre Blais qui va prendre le relais avec son équipe de passionnés de cinéma à l'émission Situation critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. À découvrir sur la fabrique culturelle. Devant ces merveilles, oublions un moment notre mémoire surchargée. N'aimons plus, ne contemplons plus les choses qu'à leur endroit particulier. Paul-Émile Bourdua, le refus global. En même temps, l'anniversaire de Refus global était comme l'occasion de revisiter son œuvre et de ramener tous ces documents, le contexte dans lequel il a vécu. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vicky de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Jefferson de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Jefferson, jeune hérisson à la vie tranquille, est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Notre improbable héros devra rétablir sa réputation en menant une enquête qui l'entraînera au pays des humains. Un roman chargé d'aventure, un récit aussi intelligent que captivant qui questionne notre relation avec les animaux. Paul Albert de la succursale de Saint-Roch vous propose « Une histoire du monde en 100 objets », un ouvrage collectif piloté par l'historien Neil McGregor. Né d'un défi lancé par la BBC, ce formidable ouvrage illustré, limpide autant qu'érudit, rassemble 100 témoins matériels de la diversité de l'humanité. Ouvrir ce livre, c'est ouvrir une porte sur l'histoire comme on ne vous l'a sans doute jamais raconté. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Les soirées Pitchakucha sont de retour à Québec le 5 décembre à 18h au Musée national des beaux-arts du Québec. Pitchakucha? Pitchakucha, des soirées bouillonnantes de culture avec 12 invités qui relèvent le défi de vous présenter leur travail en 6 minutes 40 secondes, soit 20 images présentées et 20 secondes par image. À Pitchakucha, on parle de musique, de danse, de théâtre, de science, de littérature, d'architecture, de cuisine et plus encore. Un concentré de découvertes pour 5$ seulement. Combien? 5$ seulement! Faut pas rater ça! Billets en vente sur lepointdevente.com et programme complet sur Facebook. Pitchakucha Québec. Que ce soit du jazz, du blues, de la musique du monde, de la musique classique au néoclassique, offrez la musique à son meilleur avec la carte cadeau du Palais Montcalm. Pour tous les détails et pour découvrir la programmation complète, visitez palaismontcalm.ca. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre